question à vous deux. Qu'est-ce que vous pensez de l'état, enfin de la conjoncture actuelle, de la résistance à la commune, non seulement chez vous, mais un peu plus largement, puisque j'imagine que vous êtes en discussion avec pas mal de gens. Qu'est-ce qu'il en est de l'état des choses, de cette discussion sur l'association, sur le refus de la commune, etc. Est-ce que vous arrivez à avoir une idée? Alors, une représentation? Je crois qu'on est passé d'une situation où il y avait, il faut bien le dire, un seul lieu à Paris où un débat politique existait sur cette question qui était Paris 7, hein, grâce au travail de Bruno, hein, pour l'essentiel, et des gens autour de lui. Hein. Et ça, c'était la situation à l'automne dernier. À une situation où, depuis janvier, il y a eu une vraie diffusion de la question comme question dans un certain nombre d'universités, notamment en Île-de-France. Hein. Je t'enverrai, si c'est amusif, un texte évidemment offensif qu'on a fait à Paris 8 qui s'appelle « L'association, ça avance bon, ». Et je crois que dans une certaine mesure, ça avance. Hein. C'est-à-dire que, de fait, quelque chose qui n'existait pas dans les débats il y a 6 mois, maintenant existe. La pétition nationale de réseau ne marche pas peut-être aussi bien que nous l'eussions espéré, mais elle existe, c'est important qu'elle existe, et le résultat est loin d'être négligeable à cet égard. Par ailleurs, elle bénéficie dans une certaine mesure d'une confusion, notamment chez les journalistes, entre la pétition précédente sur le changement de politique et celle-ci, qui fait que les médias ont l'impression qu'il se passe quelque chose dans l'université. Et quand même, c'est la première fois depuis 5 ans que cette impression-là est relayée d'une façon ou d'une autre assez largement. Donc, pour le verre à moitié plein, on en est là. Pour le verre à moitié vide, et je crois que ça fait partie de nos tâches politiques, moi, l'impression que j'ai, mais j'espère me tromper, mais l'impression que j'ai de façon empirico-pragmatique, c'est qu'il y a une différence énorme de prise de conscience de la question entre les universités parisiennes qui sont dans des contradictions beaucoup plus fortes et les universités en province, en région. Là. Alors, Christophe, le cas de Bordeaux est probablement particulier, mais tu pourras intervenir là-dessus, hein, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai quand même cette impression-là. Et je pense que c'est une impression qui est utilisée maintenant, là on parle de tactique et d'armes, comme arme par nos adversaires. C'est-à-dire qu'il est assez perceptible que depuis 15 jours, c'est-à-dire depuis qu'en gros il y a panique à bord un petit peu, vous avez un argument qui est revenu à 2 ou 3 reprises dans la bouche de la secrétaire d'État et qui est un argument totalement scandaleux, c'est-à-dire la lutte contre la commune, c'est du parisianisme. Elle l'a dit à la radio, à BFM, elle l'a dit sur LCI à la télévision, c'est-à-dire que nous sommes en train de voir tester un argument politiquement, très clairement, depuis 15 jours, sur le thème, c'est des Parisiens qui, alors, circonstances aggravantes, ont rien de mieux à faire, bon, et qui font ça. Donc, mais ceci dit, cet argument-là, il est rendu possible par le déséquilibre que... Après, sur l'état général de la mobilisation dans les différentes universités, voilà, on peut être d'un optimisme, on va dire, mesuré. On est enregistré. Ils nous écoutent. Je voudrais juste dire un mot. Je n'ai jamais rencontré un collègue dans une discussion, alors un collègue qui ne fait pas partie des instances dirigeantes, hein, qui soit pour la commu. Jamais. C'est-à-dire que plus on discute, plus on arrive à fédérer autour de nous des gens. C'est pour ça qu'on demande notamment la tenue d'Assemblée générale dans les UFR. Et ça, c'est extrêmement important. Alors après, il y a les débats au CA, etc. C'est autre chose. Mais je n'ai jamais vu un collègue pour la commu. Oui. Christophe Pébart, donc Université Bordeaux-Montaigne. Je voulais revenir sur 2 éléments qui ont été dits, hein, par Jean-Louis, sur les V0 et sur la question de l'incompétence ou le mensonge des présidents. Parce que je crois que les deux se rejoignent. J'ai regardé quelques V0, la mienne, celle de Bordeaux-Montaigne, enfin celle de Bordeaux plutôt, Bordeaux-Aquitaine, celle de Toulouse également. Et ce qui est très frappant dans les deux cas, c'est sur les points les plus emblématiques qui constituent juridiquement une commune, la dénégation. Ainsi, ma commune à moi, si j'ose dire, commence par un préambule d'une phrase disant que ces statuts garantissent, comme si ça avait un sens juridique, ces statuts garantissent l'autonomie financière de l'établissement. Comme vous le savez, ça c'est l'article L718-16 pour les associations. Donc on est à la fois dans la dénégation et en même temps dans la révélation de ce qui est censé être souhaitable, à savoir précisément les garanties offertes par l'association. Donc je crois que de travailler sur ces éléments qui sont très simples à saisir, il n'y a pas besoin d'avoir lu toute la loi pour montrer justement à quel point dans ces statuts on tente, vous savez, c'est un peu comme dans Bronco Apache à la fin quand Burke Lancaster efface ses traces dans son champ de maïs, hein, c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire qu'on essaye d'effacer ce que c'est que la commune pour masquer. Hein, et je trouve que c'est tout à fait significatif parce que de fait, comme on le sait, quand on efface ses traces, c'est encore plus visible que quand on les laisse. Et je pense qu'il faut le faire apparaître, il faut souligner à quel point ce souci de préciser ce qui normalement est censé aller de soi révèle à contrario la nature réelle du projet et révèle donc que celles et ceux qui écrivent ces statuts sont parfaitement conscients du chemin qu'ils dessinent. Et je crois qu'on a besoin aussi à un moment donné d'arguments qui soient clairs. Et une phrase suffit, si j'ose dire. Il en va de même si on regarde toutes les formules consistant à expliquer comment les CA des établissements vont pouvoir s'exprimer sur des transferts ou, enfin, ça dépend des formules parce que ça dépend des statuts, mais disons les transferts de compétences futures. Et là aussi, regardez, vous verrez à quel point on tourne autour de la notion de délibération qui n'est évidemment jamais présente puisque pour le coup, ce serait en contradiction avec la loi, mais ils prendront position. Ce qui, de toute façon, évidemment, là encore, dénégation de masquer que ça signifie explicitement que les CA deviennent consultatifs. Évidemment, quand vous dites ça, les CA deviennent consultatifs, vous êtes en train d'expliquer à vos collègues que les CA des établissements deviennent les CT. Et pour toutes celles et ceux qui ont une expérience des CT des universités, qui comprennent très vite ce qu'il en ira de la démocratie universitaire lorsque la commune sera installée. Donc, je crois qu'au fond, on peut dire à nos présidents que leur incompétence est déjà avérée. Il suffit de prendre la liste des promesses qu'ils ont faites au moment des votes pour les RCE et de les confronter aux résultats de l'adoption des RCE. Donc leur incompétence, au fond, elle est déjà démontrée par les faits. Après, peu importe, je dirais. Mais en tout cas, leur souci de nier la réalité explicite de la loi est, à mon avis, un aveu qu'il est très facile de montrer et qui, je crois, peut au fond, être un point d'entrée aisé pour tout le monde de critique de la commune. Car beaucoup de nos collègues ne liront pas la loi, même si on leur met 10 000 liens, etc. En revanche, si on leur dit, mais regarde quand même au moins les statuts de la commune, et j'attire ton attention sur ces deux points, et voilà, et en dessous, n'oubliez pas de signer la pétition réseau, je crois qu'on entre dans un processus de conscientisation. Si je lis, c'est parce que je crois que c'est très important. Nous avons aussi, pendant trop longtemps, lutté par Internet. Et considérer que forwarder un message faisait mobilisation ou suffisait de transmettre une information. Je crois que nous devons réapprendre à militer auprès de nos collègues, à utiliser nos propres argumentaires, tout en se nourrissant des argumentaires des autres. Mais je crois que c'est très important, car il y a là aussi une fatigue, à force de recevoir toujours les mêmes analyses qui tournent 25 fois, on ne les lit plus. Donc je crois que c'est aussi important d'avoir des arguments simples, faciles, mais qui soient aussi les nôtres en fonction des collègues que l'on connaît. Voilà, donc sinon pour ce qui est de Paris et province, je dirais qu'il faut faire aussi attention au fait que Paris concentre beaucoup d'universités. Bien sûr. Et donc il y a tout simplement un effet numérique. Je ne pense pas qu'il y ait plus nécessairement de mobilisation à Paris qu'en province. Quand on dit Paris, on groupe beaucoup d'universités. Et quand on dit la province, etc. Mais ce que je vois, c'est que chez moi, par exemple, le 5 juin, nous aurons à l'appel de l'intersyndicale une assemblée générale pour demander un moratoire. Donc tous les syndicats de mon établissement sont pour un moratoire. Donc ça veut dire que dès qu'on explique, ça va assez vite. Il n'y a plus de partisans de la commune. Leur dernier argument, c'est l'association, c'est comme la commune. Donc c'est plus la peine de lutter, et à la fin, vous aurez la commu. Nous, c'est le dernier qui reste. Plus personne ne défend la commu, il suffit de lire l'article L718-8. Voilà, il suffit à régler la question, me semble-t-il. Juste une chose là-dessus, peut-être, excuse-moi, sur Paris-Province. Je crois qu'il y a quelque chose quand même dont il ne faut pas que nous la balayions comme ça, parce que c'est un vrai problème. C'est une contradiction au sein du peuple. C'est que certains collègues, dans certaines situations régionales, ne voient pas les choses de la même façon parce que, en quelque sorte, ils sont déjà dans des processus préfusionnels depuis longtemps. Ils peuvent y compris considérer de façon pas complètement absurde que la commune les protège davantage contre ces processus-là qu'une situation non déterminée ou indéterminée ou plus indéterminée du point de vue des formes de liens qu'ils entretiennent entre eux. Ça existe, ça existe, ces collègues-là. Pourquoi à Paris ça fonctionne pas, ça ? C'est parce qu'à Paris, la situation est plus complexe, que le maillage de relations entre les différentes universités est beaucoup plus étroit. Je crois que ça joue aussi. Donc il faut qu'on arrive à répondre à ça, à mon avis, pour la lutte en province, je dirais. Hein. Et puis, une remarque qui va tout à fait dans ton sens. Quand on dit, dans une réunion de conseil central de nos universités, mais votre version zéro, elle est contradictoire avec la loi, ils ne savent pas quoi répondre. C'est-à-dire parce que ça, c'est un argument massu. C'est-à-dire, vous dites quelque chose qui est rendu impossible par la loi. C'est assez simple. Ça marche, ça. Donc, je prends la parole une minute. Donc, Anne-Lise Neff, Paris 1. À propos d'abord de ce qui concerne le rapport Paris-Province. Il me semble que les choses sont en train de bouger, mais que ce qui est frappant, effectivement, en région, comme on dit, c'est plutôt l'ignorance des collègues. Le fait qu'ils ont été tenus absolument, on leur a caché, en quelque sorte, ce qui se passait. Et moi, j'ai entendu des gens qui me disaient, mais je suis déjà dans un presse, je suis concerné par la commu. Mais des gens qui ne sont pas stupides, hein, mais simplement des gens qui ne se sont pas penchés sur cette affaire. Donc il me semble, ceci dit, que la mobilisation commence à porter ses fruits, puisque à la fois à Rouen et à Poitiers, on a une demande de moratoire votée par les CA. À Nantes, on a une demande express, cette fois-ci, d'une assemblée qui s'est tenue. Et il me semble qu'il faut de plus en plus passer par des organisations, disons, nationales. Emmanuel et moi, qui ne reculons devant rien, nous avons été jusqu'à faire lire une motion à l'Assemblée générale, hein, tenez-vous bien, des historiens médiévistes de l'enseignement public, de l'enseignement supérieur public, mais ça n'est pas grave, avec, je crois, non pas des hurlements révolutionnaires dans la salle, certes, pour s'opposer à la commu, on ne s'y attendait pas, mais au moins, si je puis dire, pour porter l'information aux collègues et précisément ensuite pouvoir envoyer des messages plus ciblés qui explique. Et ça, je pense que c'est vraiment important. Il y a peu de temps, le calendrier est serré, et on a donc tous un travail à faire de ce côté-là. Moi, je constate que quand on envoie une première fois un message en expliquant un peu, ça ne suffit pas. Quand on en envoie un deuxième, plus personnel, en expliquant à nouveau, en général, les gens signent, se mobilisent et lisent. Donc, c'est un gros travail, c'est épuisant, mais je pense malgré tout qu'il faut le faire. Deuxième point, je voudrais y insister une minute, c'est effectivement quand on nous dit mais l'association finalement c'est pas très déterminé, ça pourrait devenir pire, ça sera ce qu'on en fera, etc. Précisément, ça sera ce qu'on en fera. Et de ce point de vue, hein, il me semble qu'il y a un slogan qui est né il y a quelques jours sur quelques listes et que je reprends complètement à mon compte, qui est non à la commu et vigilance pour les associations. Une fois qu'on obtient ça, on n'a pas tout réglé. Ça, mais il faut continuer, effectivement, à combattre pour que soit reconnu dans les statuts d'éventuelles associations, de, je l'espère, associations, les combats qui sont ceux normaux des universitaires, de tous les universitaires, c'est-à-dire la défense des libertés académiques, l'importance de la formation des étudiants et de la recherche, ceci dans une coopération. Répétons encore une fois que nous ne sommes pas hostile à la coopération, mais certainement pas dans le cadre de la commune. Voilà. Merci. Christophe Voyot, donc je suis élu au CA de Nanterre, comme Emmanuel. Alors, parmi les arguments malhonnêtes, incohérents et qui du président Balaudet pour défendre cette commune devenue light, on ne sait pas par quel miracle, il y en a un qui mérite aussi d'être signalé ici et dénoncé. C'est l'argument selon lequel, grâce à la commune, les donc deux universités ainsi regroupées pourront prétendre à un IDEX dans le cadre du PIA 2, ce que j'appelle moi le PMU, le Paris Mutuel Universitaire. Et donc, alors, en quoi cet argument pose problème? Si les présidents concernés... Alors, je ne sais pas si c'est un argument qui a cours à Paris 8, éventuellement, tu nous le diras. Non, chez nous, le mot IDEX n'est pas utilisable. C'est-à-dire que... même par la droite de Paris 8. Bon. Bon, information intéressante. Alors, je reprends mon raisonnement, mais... Si Jean-François Balaudet croit réellement qu'il a des chances d'obtenir un IDEX à ce moment-là, ça veut dire qu'il fait sur nous un chantage. Bon, hein, voilà. Parce qu'il n'y a rien qui interdirait à une association, puisque c'est aussi un regroupement prévu par la loi de prétendre un IDEX, d'une part. Bon. Et d'autre part, si jamais il obtenait pour Paris Lumière cet IDEX, c'est donc qu'il réussirait, si j'ai bien compris, à l'imposer à Paris 8. Est-ce qu'il pense réellement que c'est une commune light qui, au bout de quelques années, en ressortirait? C'est-à-dire, il fait comme si, dans le cadre des critères d'attribution de ces IDEX, il n'y avait pas des critères qui comptent pour beaucoup de gouvernance, entre guillemets, et qui transformerait cette commune, même si elle était light au départ, en quelque chose de beaucoup plus fusionnel. Donc là, il y a encore une fois une forme de malhonnêteté hein, à prétendre qu'on pourrait rester à ce qu'ils essaient de nous vendre pour le moment, c'est-à-dire une commune inoffensive. Très rapide, mais c'est juste en réaction aux propos de Jean-Louis en particulier. Je crois qu'il y a un sujet aussi sur les organismes de recherche et qu'on n'a peut-être pas encore assez exploré pour le moment. Il y a aussi une tentative de régionalisation à travers les communes des organismes de recherche. Parce que c'est vrai que d'un autre côté, ces organismes sont dans les communes parce que ça fait un appoint, ça permet de passer au-delà des 10 membres. Mais il y a aussi, à l'horizon à moyen terme, une régionalisation, alors là pour le coup je ne fais pas de parisianisme, mais une régionalisation des organismes, et il pourrait très bien, puisque le CNRS, l'INSERM, etc. sont dans les communes territoriales, il pourrait très bien à terme aussi y avoir un CNRS de Toulouse, un INSERM d'Aix-Marseille, etc. Donc ça je crois qu'il faut le signaler auprès de nos collègues des organismes. Il y a aussi un problème, toujours sur le même chapitre, sur la représentation des personnels de ces organismes, parce qu'ils sont dans les communes, mais sans aucune représentation de leur personnel. Il n'y a que les directions des organismes de recherche qui aient une représentation, et encore, elle n'est pas toujours très, très brillante, à l'intérieur des CA des communes. L'autre point, c'est que je crois qu'on a intérêt à se battre sur les deux tableaux, c'est-à-dire à travailler sur les statuts V0 des communes actuellement, et que c'est souvent la meilleure démonstration de la nocivité des communes que de montrer aux collègues qui sont en train de vouloir amender ces statuts qu'ils peuvent faire tous les amendements possibles, ça ne fonctionne pas, et qu'il y a toujours les mêmes risques qui ne peuvent pas être gommés par de simples incantations. Pas de réponse. Non, il n'y a pas de réponse, on est d'accord. Juste un point peut-être sur le CNRS, parce que c'est une question qui est importante, et je vois se dessiner, au vu des V0 qu'on est en train de lire, un point sur lequel on n'a pas encore réfléchi. C'est-à-dire le fait qu'on limite le nombre de membres, parce que je pense qu'ils sont en train de s'apercevoir que l'histoire des plus 10, ça va poser des problèmes, etc. Donc on limite le nombre de membres aux établissements universitaires stricto sensu, plus le CNRS. Et tous les autres qui pouvaient prétendre à être des membres et qui étaient membres du PRESS, au même titre que les universités. Pour nous, par exemple, la BDIC, les Archives nationales, etc., deviennent des associations. Alors, pourquoi des associés ? Alors, pourquoi ça ? Moi, je vois deux hypothèses, mais c'est un truc, je pense qu'il faut qu'on y réfléchisse collectivement, parce que c'est quelque chose qui vient de sortir, si je puis dire, qui est nouveau. Premièrement, ça permet, là encore une fois, de brouiller les cartes entre commu et association. Puisqu'on met une part d'association, entre guillemets, en jouant sur les mots, hein, au sein de la commune. Deuxièmement, ça renforce ce qui reste un de leurs derniers arguments qu'ils pensent fort, à savoir l'articulation avec le CNRS. Puisque, en quelque sorte, on se retrouve avec un conseil de membres où il y a simplement les instances universitaires et les représentants du CNRS. Alors, ça irait dans le sens, y compris de la crainte de régionalisation du CNRS, etc., qu'il faut poser. Mais surtout, ça veut dire que politiquement, je pense qu'il y a un travail à faire en direction de collègues qui, jusqu'à présent, n'ont pas été très, très, très présents sur ce front-là, qui sont les collègues des grands organismes. C'est-à-dire qu'il faut leur faire comprendre que la question des communes ne concerne pas simplement les universitaires, mais ça concerne aussi l'avenir du CNRS, y compris dans cette espèce de façon de jouer avec le feu qu'a la direction du CNRS actuellement, et dont les réponses de Fuchs au Conseil scientifique vendredi et samedi, à cet égard, sont une bonne illustration. Et je m'excuse d'avance pour les orateurs qui suivent, mais je suis obligé de filer parce que voilà, je suis aussi enseignant-chercheur, donc j'ai une soutenance. Donc, j'ai oublié de partir.